Ok, ok, ok. Wanoufpé. Ok, ok, or. Yo, yo. Ok, ok, mec. Des fois, je suis fou. Moi, quand je fais des iPhones, c'est que j'oublie des mots, ça devient chaud. Oh, je m'exprime, pose des rimes et des styles, maîtresse style. J'en ai oublié un, mais je maîtrise. Sur le beat, je donne ça. Et ça devient ma maîtresse. Il faut que j'écris toujours pour garder mes traces. Au fait, là, je disais quoi? Quoi? Quoi de neuf, mon ref? Tu veux du son, tu veux du neuf, je deviens ouf. Tout est dans ton jugement, je mens, non, j'ai non. Pour ceux qui veulent, j'ai ment. Chez moi, c'est mort. Si mère, si t'aimes, et moi, je nique le système. Je suis amnésique, donc je te dirai pas que c'est le thème. Mais qu'est-ce que je disais juste avant? Le thème, je l'ai trouvé. L'anti-pop, c'est comme une salope. Les deux fautrouillent, le hip-hop est coulé. Je dis pas que je suis fort, mais quand y'a du niveau, je me sens entouré. Avec ce que j'ai oublié, j'aurais pu sortir un CD ou deux CD. Quoi, ma maladie va me décéder, j'ai décidé de dire c'est dur, je dors même plus et je fume plus que des tours. Mec, c'est jouer l'instru et je suis trop refait. Je pose ma voix et je t'ai cramé loin comme la tour Eiffel. Eh hey, mais là, rappais ou quoi, je sais pas. Je suis parti, ça commence direct, tu bectes un texte. Qui t'a trop tenté gros, en gros c'est grave, des gros. Grave ça dans ta mémo, dans le crâne écran. Je crame le micro, le tempo et tout, car je mets du flow. Wesh alors gars, vas-y, c'est quoi on pose là? C'est cool le beat mec hein. Ah ouais, c'est déjà la fin en fait. Tu m'as eu mec.